jours qui ne ressemblent qu'à l'ombre des nuits, des silences qui résonnent l'âme comme un cri, quand les paupières n'ont même plus la force des oranges, quand porté par les flots je ne vois plus rivage. Des amours qui sont nés aux mauvaises saisons, quand printemps a tardé à ouvrir ses bourgeons, des lunes toujours pleines qui ne me sourient plus, comme jouer aux échecs quand la reine est perdue, que tout est noir, que tout est noir. Comment te dire que tout est noir? Comment j'ai peur? Comment j'ai froid? Comment te dire quand t'es pas là? Que moi sans toi, ça ne veut rien dire. Comment te dire, dis-moi, comment te dire que moi sans toi, c'est comme un rire qui trouve pas vers où mourir. Mes sciences qui ressemblent qu'à l'ombre du doute, le bien qui fait du mal quand le mal vous envoûte, quand au cœur de l'iris c'est le temps des moussons qui vient noyer le blé juste avant la moisson. Dans les travers du temps, je sais, je t'ai perdu, et tu l'as dit 100 fois, tu ne reviendras plus. Alors je peux partir comme un loup solitaire qui blessé s'en ira mourir auprès d'un être. Moi j'aurais tant voulu que cet être soit toi, tant voulu avec toi être un autre que moi, au profond de ton ventre faire plus belle la terre, oublier qui je suis et fermer les paupières. Que tout est noir, que tout est noir. Comment te dire que tout est noir? Comment j'ai peur? Comment j'ai froid? Comment te dire quand t'es pas là? Que moi sans toi, ça ne veut rien dire. Comment te dire, comment te dire que moi sans toi, c'est comme un rire, comme un triste navire qui sait pas où partir. Quand on est tellement seul que même la solitude vous semble être une amie dont on se passerait, celle qui fut toujours là depuis le premier souffle, qui depuis ce jour-là ne veut plus vous quitter. Quand vous ne savez plus qu'un jour vous saviez rire, quand le mal a choisi votre âme pour empire, tous les romantiques et les tristes du monde ont choisi votre cœur pour se mettre à pleurer. Que tout est noir, que tout est noir. Comment te dire que tout est noir? Comment j'ai peur? Comment j'ai froid? Comment te dire quand t'es pas là?